que je ronchonne, que je te grille priorité. Et que la vieillesse me donne le droit de marmonner. Et que je lève la tête quand tu passes, que je te fusille du regard. La vieillesse m'a rendu hagard. Et que je te bouscule dans le supermarché. Et que la vieillesse m'a donné un laissez-passer. Et que je scrute avec dédain ce que t'as mis dans ton caddie. La vieillesse m'a aigri. Et que vous les jeunes, vous dites jamais bonsoir. Crachez, surtout quand vous êtes noir. Vous les noirs, vous les gris, vous n'avez rien à faire ici. La vieillesse me vieillit. Et que je te reproche sans arrêt de faire la fête. Bande de sales gosses, moi la guerre, je l'ai faite. De mon temps à votre âge, on n'était pas des rêveurs. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. La vieillesse m'a rendu râleur. En force au rayon cosmétique. Et que plus je suis vieux, plus je suis antipathique. Vous les jeunes, vous me faites peur avec vos dreads et vos chaussures.